La France de mon enfance n'était pas en territoire de France, perdu au soleil du côté d'Alger. C'est elle, la France où je suis né. La France de mon enfance, juste avant son rêve d'indépendance. Elle était fragile comme la liberté. La France, celle où je suis né. Le soleil n'était pas celui de Marseille. Ma province n'était pas ta Provence. Je savais déjà que rien n'était pareil, et pourtant mon cœur était en France. La France de mon enfance, mon pays, ma terre, ma préférence. Avait une frontière méditerranée. C'est elle, la France où je suis né. La France de mon enfance n'avait pas tous ces murs de silence. Elle vivait en paix sous les oliviers. La France, celle où je suis né. On avait l'accent d'une région lointaine. On était perdus comme en Lorraine. À l'école, on apprenait la différence, mais c'était la même histoire de France. La France de mon enfance, par amour, par désobéissance. Son prénom était un nom étranger. C'est elle, la France où je suis né. La France de mon enfance, moi je pleure encore de son absence. Elle était française, on l'a oubliée. La France, celle où je suis née.